Ndiko Manyanga. Séraphine Kahakizima, naï de l'autre côté de la vitrine. Et bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganilo à ce journal dont voici d'abord le sommaire. La préparation du sommet Russie-Afrique par la Russie au mois de juillet veut montrer que ce pays garde toujours sa puissance au niveau de la communauté internationale. Analyse de Guillaume Ndaikengurutse, politologue et expert en relations internationales. Après la visite au Burundi et dans d'autres pays d'Afrique du ministre russe chargé des relations extérieures. Lancement ce jeudi de l'appui financier et technique à l'Université du Burundi à travers le projet d'académie de recherche et d'enseignement supérieur de la Belgique. Vous aurez les précisions avec le recteur de l'Université du Burundi. Grogne des pêcheurs à la plage de Kajaga. Ils sont contre les personnalités en train de bâtir tout près des eaux du lac Tanganyika avec l'intention de les chasser de cette plage. Bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal par la page diplomatie, la visite du chef de la diplomatie russe en Afrique a un lien direct avec le conflit qui oppose ce pays avec l'Ukraine. Docteur Guillaume Ndaikengurutse, politologue et expert en relations internationales, le dit après la venue du Sergueï Lavrov au Burundi le 30 mai courant. Il explique que ce pays qui prépare le sommet Russie-Afrique au mois de juillet veut montrer qu'il garde toujours sa puissance au niveau de la communauté internationale. Écoute. C'est un bon positionnement stratégique parce que le Burundi n'a aucun intérêt à choisir son camp, que ce soit pour l'Occident ou pour la Russie. C'est toujours bien que le Burundi le dise ainsi. C'est un positionnement qui lui permet d'entretenir des relations des deux côtés, des relations dont il a toujours besoin. Il a besoin non seulement d'entretenir de bonnes relations avec l'Occident, mais aussi d'entretenir de bonnes relations avec la Russie. C'est de bonne guerre que le ministre des Affaires étrangères affirme cette position. C'est vrai. Ce n'est pas l'élément qui a été lancé, je vous le disais. La visite du chef de la diplomatie russe en Afrique est un lien direct avec le conflit qui oppose ce pays avec l'Ukraine. Suivez l'analyse du docteur Guillaume Ndaikengurutse, politologue et expert en relations internationales. La Russie, d'une manière classique, n'a pas une diplomatie offensive marquée par des visites des hautes autorités, surtout vers les États du Sud. Mais actuellement, elle se retrouve obligée, quelque part, d'entrer dans cette dynamique offensive pour essayer de rallier le plus d'États possible dans le monde autour de sa cause. Même si ce n'est pas directement pour rallier, mais pour faire en sorte que ces États ne constituent pas une sorte d'entrave à son entreprise en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe, c'est vraiment une première qu'il visite des États d'Afrique. Mais là, il faut entrevoir non seulement ce contexte du conflit russo-ukrainien, mais aussi il faut entrevoir le prochain sommet russe-Afrique qui doit être un succès pour la Russie, pour que la Russie puisse montrer au reste du monde que ce conflit russo-ukrainien n'a pas remis en cause son image au niveau international et que par contre, elle continue à s'ancrer, que ce soit dans les pays d'Afrique et dans les pays du Sud. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Burundi se retrouve en plein essor diplomatique. Nous savons que le chef d'État burundais, il est dans le bureau de la présidence de l'Union africaine. Ça, c'est une chose. Il est président en exercice de l'East African Community. Et puis, c'est un président aussi qui se montre ouvert à l'international. La Russie compte en quelque sorte sur le Burundi pour pouvoir créer une dynamique régionale autour d'elle en vue de ce sommet russo-ukrainien qui est prévu en juillet. Et quant à la réaffirmation du gouvernement burundais de ne pas avoir position dans le conflit russo-ukrainien, ce spécialiste des relations internationales trouve que c'est un positionnement stratégique. Docteur Guillaume Ndaikengurutse ajoute que ce positionnement permet au Burundi d'entretenir des relations de deux côtés dont il a toujours besoin. C'est un bon positionnement stratégique parce que le Burundi n'a aucun intérêt à choisir son camp, que ce soit pour l'Occident ou pour la Russie. C'est toujours bien que le Burundi le dise ainsi. C'est un positionnement qui lui permet d'entretenir des relations des deux côtés, des relations dont il a toujours besoin. Il a besoin non seulement d'entretenir de bonnes relations avec l'Occident, mais aussi d'entretenir de bonnes relations avec la Russie. C'est de bonne guerre que le ministre des Affaires étrangères affirme cette position. C'est vrai que ces deux pays qui sont en conflit essaient quelque part de mener une diplomatie d'influence pour se faire des alliés et ça et là. Et donc, ça n'aura pas effectivement échappé à la Russie que l'Ukraine est en train de mener des activités diplomatiques au sein de la région. Mais cela ne signifie pas pour autant que les pays de la région vont se ranger derrière tel ou tel autre camp. De toutes les façons, ils n'ont aucun intérêt. C'est beaucoup plus une guerre qui oppose des grandes puissances ou des États qui sont en voie de développement n'ont aucun intérêt à se positionner. L'actualité continue sur le Sanganiro. Renforcer la coopération, la paix et la sécurité entre les pays de la région des Grands Lacs ainsi que l'échange des étudiants universitaires, ce sont les unes des actions à mener pour consolider les relations diplomatiques entre ces pays de la région des Grands Lacs. Tels sont les propos de Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura ce jeudi lors de la tenue du 10e anniversaire de la plateforme des autorités locales et des pays de la région des Grands Lacs, PALPGL. Au cours de cette célébration, cette autorité municipale a indiqué également que la suppression du test COVID-19 a facilité le commerce transfrontalier chez les femmes. Et on l'écoute. La plateforme des autorités des pays des Grands Lacs se sont mises ensemble pour travailler la question sécuritaire. Alors, la question sécuritaire, elle est trop vaste. Nous allons nous focaliser sur la consolidation de la paix. Et à travers la paix, nous devons nous rassurer que le commerce transfrontalier de femmes est en train d'être bien fait. Et non seulement le commerce transfrontalier, mais également nous devons être d'accord qu'au niveau sanitaire aussi, les choses sont en train d'aller bien. Et là, je veux dire quoi ? Je veux dire, avec le Covid qui a menacé le monde entier, sans oublier notre communauté, a été aussi au centre des défis que nous avons eus depuis bientôt 4 ans. Nous nous sommes mis d'accord que les barrières qui faisaient défaut pour ce commerce transfrontalier soient une fois de plus supprimées. Et là, je veux dire quoi ? Le test Covid qui était obligatoire pour la traversée et qui était aussi monnayé à un prix qui n'arrangeait pas la communauté qui traversait ça et là. Et alors, nous avons essayé de supprimer cette barrière non tarifaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les frontières, la traversée avec le test Covid qui n'est plus une obligation soit une fois de plus supprimée. Nous devons aussi travailler sur l'autonomisation des jeunes et des femmes dans ce petit commerce pour que demain les femmes puissent bâtir la paix dans notre communauté. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page éducation à présent, l'Université du Burundi va être appuyée financièrement et techniquement à travers le projet d'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de la Belgique. Cet appui institutionnel quinquennal et transversal a été lancé ce jeudi. Audace Manirambona, recteur de l'Université du Burundi, évoque le manque d'encadreurs à l'école doctorale comme défi. On l'écoute. Ce programme, c'est un programme quinquennal qui va arriver jusqu'en 2027. Et ce programme sera appuyé financièrement et techniquement, si vous voulez, par l'ARES. C'est l'Académie de recherche et d'éducation de l'enseignement supérieur en Belgique. Donc ce sont des universités qui forment cette académie qui vont appuyer dans la réalisation de ce projet. Et il faut noter que ce projet existait déjà. Et c'est un projet qui a déjà commencé. Voilà, il a pris fin en 2022. Mais voilà, on a vu la nécessité de pouvoir renouveler sur ce projet. Maintenant, c'est le lancement officiel. En fait, c'est un programme d'appui institutionnel. Ce qui veut dire que le programme va appuyer l'Université du Burundi à son entier. Les thèmes qui seront abordés ou bien qui seront les activités qui seront financées à travers ce projet, ce sont des activités transversales. Ça ne concerne pas qu'une seule faculté ou un institut, mais ça concerne toute la vie de l'université. Que ce soit pour les thématiques de recherche, ce sont des thématiques de recherche transversales. Les appuis, quand nous parlons de la digitalisation, on digitalise toute la vie de l'université. Si nous parlons de l'appui à l'école doctorale comme une activité, l'école doctorale forme dans toutes les disciplines. Ce qui veut dire que c'est un projet qui va appuyer toute la vie de l'université. On a parlé de l'activité liée, de l'objectif lié au genre et à l'environnement. Ça, c'est transversal. Il y a un appui au stage, parce que c'est aussi un défi dans nos universités, en particulier à l'Université du Burundi, les stages. Nous voulons que quand même, lorsqu'on forme un étudiant, il ait, je dirais, cet espace où il s'entraîne, il découvre la vie professionnelle. Ça, c'est transversal. Quand nous parlons des équipements informatiques, c'est transversal. Toutes les thématiques qui seront abordées dans ce projet, ce sont des thématiques transversales qui répondent à la vie entière de toute l'université, mais on s'est limité quand même sur la disponibilité. Ce programme n'est pas simplement pour toutes les universités. L'école doctorale, elle est bénéficiaire comme toutes les facultés et instituts seront bénéficiaires. C'est une activité, c'est un objectif, si vous voulez, dans ce projet. Voilà, l'école doctorale, je mentionnerai par exemple, comme l'a été cité lors des interventions précédentes, le défi lié à l'encadrement, à la supervision des thèses. Parce que, comme l'école doctorale est conçue, chaque doctorant doit avoir un superviseur local à l'Université du Burundi et un autre à l'étranger. Alors, il se trouve que maintenant, les superviseurs locaux commencent à être débordés parce que, comme vous l'avez déjà remarqué, plus de 320 doctorants, c'est énorme si on regarde le nombre de professeurs qu'on a. Donc c'est ça, je dirais, la grande difficulté qu'on a actuellement. Mais quand même, au fil du temps, je pense qu'on saura combler ce défi. Page économie à présent, le monopole, la spéculation, le manque des matières premières permettant de produire du sucre, la démographie et le manque de devises sont des facteurs qui causent la pénurie du sucre. Cela est dit par Gabriel Roussidi, président de l'Olicom. Gabriel Roussidi demandait cependant au président de la République d'organiser une commission chargée de faire face à la pénurie du sucre et d'autres produits comme carburant. On l'écoute. D'abord, pour l'ORICOM, nous pensons qu'il y a plusieurs facteurs qui causent cette pénurie. D'abord, nous pensons que la première chose, c'est sur la spéculation. La spéculation de la part de ceux qui vendent le sucre de ce saumon. Deuxième chose, c'est le monopole. Le monopole, c'est aussi un problème. C'est une poignée d'individus qui fait son commerce. Troisième facteur, c'est un manque de devises. Parce qu'il y a des matières premières qui la société a besoin. Et cela, par ailleurs, concerne presque tous les produits importés, que ce soit la Braroudi, que ce soit Bousseco, donc le ciment de Bousseco, que ce soit les produits pétroliers. Donc, tous les produits qui demandent de la matière première importée, il y a de la carence. D'où il y a un problème. Quatrième facteur qui cause cette pénurie, c'est sur les fausses données. Si réellement la Sosumo ou d'autres importations qui viennent au Burundi ne s'alignent pas aux vraies données des personnes qui ont besoin de sucre, ça se fait la demande au moment où l'offre n'est pas suffisante. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Si réellement on travaille sur les fausses données, ça ne peut pas marcher. Je dois ajouter que le problème de l'incompatibilité, c'est aussi un facteur important, voyons des administratifs, des policiers, des militaires qui se trouvent souvent dans ce commerce. Il faut couper court avec ça. Parce que, je le dis, je le répète, fonctionnaires de l'État, à n'importe quel niveau, ne doivent pas exercer le commerce. Donc, pour nous, nous pensons qu'il faut une commission d'experts qui va proposer au chef de l'État les voies et moyens pour trouver des solutions, certes, à cette question qui concerne le sucre, mais aussi à d'autres produits comme les produits pétroliers, comme les produits Braroudi, le ciment et d'autres. Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Les pêcheurs opérant à la plage d'Okajaga dans la circonscription d'Ogatumba se plaignent depuis un certain temps contre des personnalités qui sont en train d'ériger des bâtiments tout près des eaux du lac Tanganyika. Ils s'insurgent contre ceux qui leur disent de déménager. Le code de l'eau du 26 mars 2012 précise plutôt les périmètres appartenant à l'État à partir des eaux aussi et bien du lac Tanganyika, des autres lacs du pays et des rivières. Quelques éléments du contenu de ce code de l'eau avec Léon Subitalifou. Selon l'article 5 du code, lequel article comprend 6 alinéas, font partie du domaine public hydraulique les sources et cours d'eau, les lacs naturels, les étangs et plans d'eau artificiels aménagés par l'État ou pour son compte. À part ces sources et cours d'eau, sont également concernés les lits des lacs, des cours d'eau, des étangs et plans d'eau, c'est-à-dire ceux visés à l'alinéa 1. Il en est de même pour les bords ou rives des lacs, sur une largeur de 150 mètres pour le lac Tanganyika, 50 mètres pour les autres lacs du pays, une largeur de 25 mètres sur chacun des bords pour les rivières affluents du lac Tanganyika, à partir du niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leur crue périodique. Pour les autres rivières du pays, une zone de protection sur une largeur de 5 mètres est installée. Les eaux ou nappes aquifères souterraines, les marais recouverts par les eaux de façon permanente, ainsi que les ouvrages et aménagements hydrauliques, ainsi que leurs dépendances, s'ils ont été réalisés par l'État ou pour son compte, font aussi partie du domaine public hydraulique. Il y a une autre précision du code. Nul n'a le droit de corrompre l'eau. Là, nous ne faisons que citer l'article 12 qui précise qu'en outre, personne n'a le droit de changer le cours d'eau sauf sur autorisation préalable du ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions. Merci à Léonce Vitalifou. La pénurie d'eau potable préoccupe les habitants du quartier Gasekewi et Zone Moussaga, mairie de Bujumbura. Ils indiquent que ça fait déjà un mois que l'eau est introuvable et que là où ça n'approvisionne pour le moment, un bidon s'achète entre 2500 et 3000 francs. Ils demandent à la régie des eaux de trouver la solution à cette problématique. Les détails avec Clovis. Cette pénurie d'eau vient de durer un mois, selon les habitants du quartier Gasekewuye, zone de Moussaga, à mairie de Bujumbura. Il fait un mois. Certaines activités sont paralysées. Par exemple, certains restaurants puisent de l'eau. Ici, à Yakizu, de l'eau salée. Nous vous prions de soumettre vos doléances. Ils indiquent en outre que la vie est devenue difficile. Ils expliquent qu'ils sont tenus d'acheter un bidon de 20 litres à 3000 francs. Ils demandent à la régie des eaux de faire le tout possible pour être servis sans attraper les maladies de Messal. Ils demandent à la régie des eaux de faire le tout possible pour être servis sans attraper les maladies de Messal. Nous demandons à la régie des eaux de trouver solution à cette pénurie d'eau. Si ce ne serait pas le panne des tuyaux, le mieux serait au moins d'adopter le délestage. Pour une période de 2 mois, nous avons été alimentés en eau 3 fois. Puiser de l'eau au centre-ville demande beaucoup de moyens. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro mercredi passé, le directeur général de la régie des eaux, avait indiqué que cette société prévoit le traitement des rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika pour résoudre le problème de la pénurie d'eau. Voilà, c'est sur ce reportage dont le montage n'a pas été parfait. Veuillez nous en excuser. Voilà, c'est la fin de ce journal. Séraphine Hakizimane était de l'autre côté de la vitrine. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Les émissions continuent sur les ondes de votre station.